ne m'éteint pas la coule. Toute la sainte journée, il se les roule. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop le rififi. À peine un autre gamme fait du gringue, qu'il pose la main sur son flingue. Redresse son galure et vas-y pour un petit coup de rififi. Je voudrais m'en mêler, mais du doigt. Il me montre la porte et me dit tire-toi. Et quand il rentre sans rien dire avec son méchant petit sourire, à mon tour ça ne fait pas un pli, je suis bonne pour le rififi. Vous avez l'air d'entraver dalle à mon histoire quand je vous parle du rififi. Ce n'est pas un mot ordinaire, vous ne trouverez pas dans le dictionnaire le rififi. Il est à nous et faut voir comme on le comprend chez les vrais hommes, le rififi. Ne vous creusez donc plus le cigare, c'est tout simplement la bagarre, le rififi. Quand j'ai bien travaillé la semaine, dimanche au ciné il m'emmène. Ce qu'on joue c'est le cadet de ses soucis, pourvu qu'il y ait du rififi. En amour ce n'est pas un tendre, les petits mots doux je peux les attendre. Il dit toujours que les souris ça doit marcher au rififi. Quand il se laisse aller pour de vrai, rien que pour le principe il me dérouille après. Et quand il m'a bien corrigé qu'auprès de lui je suis allongé pour retourner au paradis, c'est moi qui demande du rififi. Vous avez l'air d'entrer avec dalle à mon histoire quand je vous parle du rififi. Ce n'est pas un mot ordinaire, vous ne trouverez pas dans le dictionnaire le rififi. Il est à nous et faut voir comme on le comprend chez les vrais hommes, le rififi. Ne vous creusez donc plus le cigare, c'est tout simplement la bagarre, le rififi.